Si le bulli buen dice la la del mundo, buen dice la la del mundo, ni dimo trove sache. Si sua zona ma que ta pecunde, si sua zona ma que ta pecunde, le mozón de sangre, tu mela te pillo sa de pie pra la chingle. De sangre, un bel la pen, que bien buena chen. Si su azona, muaquita pecunde. Si su azona, muaquita pecunde. La muestra de sangre, un bel la pen, de pillosa de pie pra la chen. El muestra de sangre, un bel la pen, de bien buena chen. Yo consigo más a vos. J'ai l'éclair de couchander, les gens que te douvoient, mais si tu comptes fidèle, ay si tu comptes fidèle, nous ritiquons si l'otan. Si soissons, amour qui t'a pécouté, si soissons, amour qui t'a pécouté, les mensonges de sa mère tombent à la peine, des pillos à la peine. Son de samba, tumbe a la pem, de bien buena chen. Si su azona, muaquita pecute. Si su azona, muaquita pecute. La mon son de samba, tumbe a la pem, de pillosa, de pie pra la chen. La mon son de samba, tumbe a la pem, de bien buena chen. Bien buena chela.